chanson du patrimoine québécois, pays d'espoir, pays de glace, là où nous résistons à l'assimilation. J'suis tanné de me faire assimiler, de me faire assassiner, de me faire lubrifier, de me faire émuler, de me faire assassiner. Québec rock, c'est pour de bon. Québec rock, c'est pour notre nation. J'veux du lait en français, j'veux de la bière dans langue Molière. Québec rock, passe-moi la Pâque, j'vais faire un rock populaire. Comme notre hiver qui nous coûte cher d'électricité, Hydro-Québec. Mon père travaille à shop pour faire vivre les hosties d'anglais, les hosties d'être corées. J'suis tanné de me faire assimiler, de me faire assassiner, de me faire lubrifier, de me faire émuler, de me faire assassiner. Québec rock, c'est pour demain. Québec rock, c'est pour notre nation. J'veux du lait en français, j'veux de la bière dans langue Molière. Québec rock, passe-moi la Pâque, j'vais te faire un rock populaire. Comme notre hiver qui nous coûte cher d'électricité, Hydro-Québec. OK, fait que merci pour de vrai. Là, c'est fini après, là, parce que moi, là, j'ai plus d'insuline.